Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette nouvelle émission, nous avons le plaisir de recevoir Stéphanie Gibaud. Stéphanie, bonjour à vous. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Stéphanie, vous êtes ce qu'on appelle une lanceuse d'alerte et avez écrit un livre paru aux éditions Max Milo et intitulé « La traque des lanceurs d'alerte » avec une préface de Julien Assange. Nous allons en parler de tout de suite, mais avant cela, chers auditeurs, sachez que je me trouve aux côtés de Xavier Poussard de la revue Faits et Documents. Xavier, bonjour à toi. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Stéphanie Gibaud, pour commencer, dites-nous. Qui êtes-vous ? Je suis effectivement ce qui s'appelle dans le langage aujourd'hui une lanceuse d'alerte, c'est-à-dire que j'étais une cadre, une citoyenne comme il y en a des millions dans notre pays, jusqu'au jour où ma vie a basculé. En juin 2008, alors que je travaillais depuis presque 10 ans dans la banque UBS, donc UBS qui est l'ancienne Union des banques suisses à Paris, j'étais responsable RP, relations publiques, donc je m'occupais du marketing et de la communication de la banque. Donc j'avais une vie professionnelle absolument normale. Et en juin 2008, ma supérieure hiérarchique, nouvellement recrutée de chez BNP Paribas, est arrivée comme une furie dans mon bureau, m'informant qu'une perquisition venait d'avoir lieu dans le bureau du directeur général. Et me demande, complètement affolée, paniquée, de détruire mes fichiers informatiques relatifs à tous les événements que j'avais organisés dans la banque. Alors, je ne comprenais pas bien de quoi il s'agissait. Et j'ai posé des questions sur cette perquisition à laquelle je n'ai jamais eu de réponse. Mais j'ai eu instruction de détruire des données qui comportaient donc les informations sur des clients reliées à des banquiers en France, mais aussi à Genève, à Zurich, à Lausanne, donc en Suisse. Et je ne comprenais pas le lien qu'il pouvait y avoir entre cette perquisition et cette demande de destruction de données. Cette femme est revenue, encore plus pressante, me demandant aussi, dans les semaines qui viennent, de détruire mes archives papier dans les armoires, qui étaient finalement le même type d'informations. Et que là, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je sentais aussi qu'on m'en voulait énormément, mais je ne comprenais toujours pas de quoi il en retournait. Et en fait, j'ai eu cette chance, comme j'étais arrivée chez UBS, à l'ouverture de la banque à Paris, boulevard Haussmann, à l'ouverture en 1999, UBS France, j'ai eu la chance de voir tout le monde arriver. C'est-à-dire que quand j'étais recrutée, j'arrivais du monde du football, on était 40 personnes, c'était une PME avec énormément d'argent. Mais en 2008, quand cette histoire de destruction de fichiers arrive, il y a 10 ou 12 bureaux de province, 500 collaborateurs, 150 d'entre eux sont mes clients internes, c'est-à-dire des collaborateurs, des banquiers que je sers moi par mon métier, c'est-à-dire que je leur sers par les événements que j'organise à rencontrer des clients. Certains d'entre eux se sont donc rapprochés de moi pour m'expliquer qu'effectivement, mon métier n'était pas uniquement un métier où je développais la marque, où on développait la notoriété d'UBS en France, mais que sur tous les événements étaient présents donc des banquiers suisses. Et il m'explique que techniquement, le démarchage de ces banquiers est illégal parce qu'ils n'ont pas de carte de démarchage, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire ici. Pas d'agrément en France. Et parce que la banque UBS en Suisse n'a pas d'agrément pour travailler ici, et qu'en gros, on leur vend des produits offshore, qui ne sont pas autorisés à la vente, mais surtout ce qui n'est pas autorisé, c'est de venir voir démarcher des clients ici. Donc moi, je mets un moment à comprendre les tenants et les aboutissants d'une histoire comme celle-là, mais il m'explique surtout, ces banquiers, que finalement, c'est mon métier qui sert à ça. Donc moi, je me dis, mais j'ai été trahi, trompé, manipulé, enfin, vous vous sentez sali de ce qu'on a pu faire de vous, qui êtes quelqu'un d'honnête, de passionné, qui passait 70 ou 80 heures par semaine à être entre deux avions, deux trains, parce que quand on fait de l'événementiel, c'est toujours le soir, le week-end, le travail etc. est à ce point-là compartimenté, que vous n'ayez rien suspecté. Mais c'est là où c'est incroyable, parce que j'en ai parlé beaucoup après avec nos amis à Bercy, on en parlera tout à l'heure, mais tout est fait pour que vous ne compreniez rien. C'est-à-dire que vous êtes une partie du pulse et que vous n'avez pas En anglais, on dit « the big picture ». Vous n'avez pas l'image totale de ce que fait l'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, vous ne savez pas ce que fait la fille qui travaille dans le même bureau que vous et vous ne savez pas ce que fait le type qui travaille dans le bureau d'à côté, puisqu'il n'y a jamais de réunion pour réunir les gens au niveau professionnel. Hein. Et bien évidemment, il y a des fêtes de fin d'année ou des choses comme ça, mais qui ne sont pas du tout des réunions de travail pour comprendre quel est le métier, finalement, de l'entreprise. Et en fait, ces banquiers m'expliquent quoi ? Que le métier de la banque, c'est la banque offshore. Et on défrayait la chronique à cette époque, en 2008-2009, hein, donc il y a 10 ans. Je ne sais pas si vous avez suivi, en Suisse, on a beaucoup parlé de l'affaire Julius Baer, mais on a aussi beaucoup parlé de l'affaire HSBC, qui sont des copiers-collés, c'est-à-dire que toutes ces banques en Suisse étaient là pour gérer. Alors, ça se passe en France, mais ça s'est passé en Allemagne, ça s'est passé en Italie, en Espagne, en Grèce, enfin, partout sur la planète. Et que... Concrètement, on parle d'évasion fiscale. Voilà, d'évasion fiscale et blanchiment de capitaux en bande organisée. Donc, pour faire court, moi, je refuse de détruire ces données parce que je comprends, grâce à ces banquiers, que je suis au milieu d'une pieuvre, de quelque chose de tentaculaire. Et je me demande surtout où est ma responsabilité. Je ne détruis pas ces données. Je suis aussi une salariée protégée, c'est-à-dire que je suis ce qui s'appelle secrétaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Donc, en tant qu'élu, je pose des questions à la direction, parce qu'on parlait de lancement d'alerte. Donc c'est bien des lancements d'alerte que j'ai fait en tant que salarié protégé, mais en tant que responsable marketing, je suis aussi allé voir le directeur général, le président, la DRH, le déontologue, qui m'ont tous dit la même chose. Stéphanie, t'es un petit peu fatiguée, faudrait prendre des vacances. On voit bien là que tu racontes un petit peu n'importe quoi. C'est quand même assez dommageable d'aller inventer des choses. Tu sais bien qu'il n'y a jamais eu de banquier suisse ici à Paris, puisque c'est interdit. Alors moi, je suis capable quand même de citer un certain nombre de noms. Et on me dit, mais non, mais il faut aussi arrêter de dire que ces gens-là étaient présents sur les événements que tu organisais pour voir des clients. Ils n'ont jamais pu venir, puisque c'est interdit. Donc en fait, on commence à vous faire un lavage de cerveau, qui, moi, en 2009, m'a fait faire une dépression, quand même, parce que je travaille dans une banque depuis 9 ans. Donc, bien évidemment, je sais qui j'ai vu, avec qui j'ai travaillé et ce que je faisais. J'avais de l'autre côté de la pression des collaborateurs qui eux-mêmes avaient des problèmes, c'est-à-dire ces fameux banquiers, qui m'ont expliqué des choses absolument incroyables, que cette évasion fiscale, elle était tenue mensuellement dans un petit carnet manuel, crayon et à papier, où étaient notées les transactions de la banque qui ne rentraient pas dans la comptabilité officielle, c'est-à-dire une comptabilité parallèle, à la main. Enfin, vous vous dites, mais attendez, on est dans l'établissement bancaire le plus ancien au monde, le plus réputé au monde. Vous savez, les banques, c'est un peu comme le milieu du cinéma, du théâtre, c'est-à-dire les Oscars, les Césars. Les banques, il y a un classement qui s'appelle Euromoney, à Londres, qui tous les ans donne les meilleurs awards, les meilleurs prix. Et UBS s'est toujours retrouvé en étant le meilleur gestionnaire de gestion de fortune, les meilleurs collaborateurs recrutés, les meilleurs produits, etc. etc. Donc, vous ne pouvez pas vous poser de questions sur une entreprise qui est la plus réputée au monde, qui gère la fortune des plus grands, les plus grandes fortunes, avec quand même ici des autorités de contrôle, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, la CPR, autorité de contrôle prudentiel, où on nous dit en permanence qu'on est contrôlé, etc., etc. Vous ne pouvez pas vous poser ce type de questions, et puis vous ne pouvez pas croire que l'histoire est aussi importante que ça. Mais ces banquiers, qui sont donc au cœur de la problématique d'évasion fiscale, expliquent donc que cette méritocratie instituée en culture d'entreprise, à laquelle moi, je crois, moi, bêtement, tous les ans, c'est-à-dire que, vous savez, en banque, on s'auto-évalue à la fin de l'année et on est évalué par 3, 4, 5 supérieurs hiérarchiques qui vous disent « Vous avez très bien travaillé, on vous donne un petit bonus, machin. » Les banquiers m'expliquent « Mais non, non, non, Stéphanie, la méritocratie, c'est pour les gens naïfs comme toi. Parce que nous, on est capable de prouver que les banquiers qui respectent le code de déontologie et ce qui, dépend de la Banque de France ont des bonus moins importants que les banquiers qui aident leurs clients à ouvrir des comptes offshore ou qui aident les banquiers suisses à ce que les fortunes aillent être gérées à l'étranger. Donc ça dure quand même des mois et des mois parce que ce que je suis capable de vous répéter ici, moi j'ai eu besoin de comprendre. Parce que vous quittez la banque en 2012, c'est-à-dire que vous restez 3 ans et demi dans cette situation compliquée. Alors, c'est plus que compliqué. Je vous dis, j'en ai fait une dépression en 2009, mais c'est comme un millefeuille. Vous voyez, il y en a dans tous les sens. Là, on ne s'en sort pas. À la minute, à l'instant T, il se passe des choses absolument incroyables. Moi, comme je suis une élue du personnel, imaginez, je suis en état de stress absolu. Tant que je ne savais pas, je ne pouvais pas éventuellement être complice ou cautionner des pratiques aussi incroyables. Je me rends compte que j'ai été mise en risque. La seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est aller voir l'inspection du travail. Je travaillais depuis 20 ans, je n'avais jamais pensé. À qui j'ai raconté toutes ces histoires, une première fois, une deuxième fois. Et puis au bout de 6 mois, cette inspectrice du travail me dit « Madame Gibault, vous m'avez envoyé d'autres collaborateurs de la banque, j'en ai vu beaucoup, qui me racontent des histoires aussi incroyables que vous. Je veux que vous, en tant qu'élu, portiez plainte contre votre employeur. » Et je lui dis, mais attendez, moi je suis une maman qui élève mes enfants toute seule. Si je porte plainte contre cette banque, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Madame Gibault, portez plainte, nous sommes là pour vous protéger. Et au même moment, ça se passe à l'été 2009, vous voyez, ça fait 9 ans. Au même moment, UBS prépare un plan social de 100 personnes. Vous savez, normalement, les plans sociaux, c'est à point. C'est-à-dire que ce sont les dernières entrées, les plus jeunes, non chargées de famille, qui partent. Et bien là, étonnamment, moi j'étais en ce plan social, moi qui étais arrivée 9 ans avant, et voilà. Et l'inspection du travail va licencier sans sourciller les 99 collaborateurs de la banque, sauf moi. C'est-à-dire qu'elle va me laisser chez un employeur qui fraude, dont je dénonce la fraude. Donc je suis retournée la voir, lui disant, mais attendez, c'est insupportable. Et elle m'a dit, mais Madame Gibault, mettez-vous en arrêt maladie, on est très conscient que ça doit être très dur pour vous, mais arrêtez-vous. Et je lui dis, mais attendez, même en congé maternité, moi je travaillais, enfin j'ai pas cette culture de dire je vais profiter de prendre des arrêts maladie, enfin, c'est tellement dur à vivre. Et effectivement, à partir de 2009, je vis un enfer dans la banque, puisque donc je vais en partir que début 2012, où je vais être à nouveau licencié, et là ce licenciement va être validé. Et pendant 3 ans et demi, je n'ai plus mon poste, je n'ai plus d'assistante, je n'ai plus de stagiaire, je suis dégradée, rétrogradée. Pire que ça, ils m'ont fait devenir la responsable des chefs hôtesses au 3e étage de la banque, où il y a tous ces salons où on recevait les clients, et je devais vérifier si les plantes vertes et les plantes étaient bien arrosées. C'est-à-dire que vous vivez un truc où on dit à vos collègues de ne plus vous approcher, parce que moi quand même je connaissais tout le monde dans cette banque, et que vous voyez que tout le monde est en état de terreur, c'est d'une violence inouïe, et quand on voit finalement la violence au travail aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé chez France Télécom, mais enfin, il y a d'autres grandes entreprises qui ont défrayé la chronique avec des suicides de collaborateurs, etc. On a été précurseurs, malheureusement, hein, à nos dépens, de cette violence initiée par les banques. Parce que dans ce livre, La traque des lanceurs d'alerte, là, que je viens de publier, j'ai voulu rencontrer... Alors, depuis 4 ou 5 ans, effectivement, ce sujet lanceur d'alerte, on entend beaucoup parler dans les médias, il y a eu cette loi Sapin qui est passée en 2016, donc le sujet devient un petit peu récurrent, et je me suis dit, je voudrais savoir comment vivent les hommes et les femmes dans notre pays, qui ont aussi dénoncé des affaires absolument incroyables. Et si vous avez lu le livre, ils vous racontent tous la même chose, c'est-à-dire que même moi, qui suis habituée à un niveau de violence inouï, j'avais des frissons à discuter avec eux et à écrire leur histoire. C'est-à-dire que ce sont tous des gens qui ont été abandonnés par le monde du travail. C'est-à-dire qu'une vraie solidarité entre les entreprises et avec les cabinets de recrutement. C'est-à-dire qu'au lieu de recruter des gens qui sont à la fois compétents, passionnés de leur métier, techniciens, cadres, et qui ont montré, ils ont fait preuve à la fois d'honnêteté, ils ont fait à la fois preuve de civisme, ils ont pour la plupart aidé leur administration à comprendre des mécanismes qui étaient cachés de tous. Tous ces gens-là ont été sortis du monde du travail, ils se retrouvent en précarité, jetés de leur appartement, avec des frais d'avocat dans des procédures qui n'en terminent pas, parce que la problématique finalement, elle n'est pas que UBS, elle n'est pas que les entreprises que dénoncent ces lanceurs d'alerte, elle est finalement le fait qu'il y a une connivence, un entre-soi, entre ces élites financières, ces élites industrielles, ces élites juridiques, judiciaires, et les administrations. Et que ça, nous, on l'a découvert il y a 11 ans. Les nouveaux lanceurs d'alerte, aujourd'hui, sont au courant de ça. Ils ne vont pas arriver dans les mêmes conditions de naïveté dans lesquelles on était, nous. Parce qu'aujourd'hui, quand on ose me dire « Mais Madame Gibault, comment est-ce que vous pouviez faire confiance à notre État ?» Mais comme n'importe quel Français, j'avais confiance à notre État, puisque nous sommes le pays des droits de l'homme sur la scène internationale, etc. Sauf que nous, on a découvert et on a mis à jour ce qui était finalement caché de tous. Donc là, dans la chronologie des événements, vous portez plainte. En 2009. Et qu'est-il arrivé à cette plainte ? Donc, 2009, je reste enfermée dans cette banque, avec des arrêts maladie dans tous les sens. J'étais vraiment, comme on dit vulgairement, à ramasser la petite cuillère. Je tenais plus debout, avec des pressions insensées. Et en 2011, comme tous les ans, j'allais gérer à Roland-Garros la loge d'UBS, la loge où on recevait des clients, donc dernière semaine de mai, première semaine de juin, hein, vous savez, ce fameux tournoi du Grand Chelem, quand je reçois un appel en numéro masqué sur mon téléphone portable d'une dame. Je ne comprends pas très bien au début qui elle est, et en fait, au fil de la conversation, je comprends qu'elle travaille pour un service du ministère des Finances à Bercy, et elle me demande de la retrouver sur les Champs-Élysées, devant le magasin Vuitton, la veille du tournoi. Et quand je me rends à ce rendez-vous, j'étais quand même un petit peu comme ça, me dire mais c'est peut-être un traquenard, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et puis en même temps, je me dis, alléluia, la plainte que j'ai déposée il y a 2 ans, l'alerte que j'ai faite en interne, donc en 2008, toutes ces alertes à l'inspection du travail, tous ces procès-verbaux de réunion avec la direction, alléluia, ça porte ses fruits, cette banque va être condamnée, et puis moi je vais passer à autre chose. Et en fait, cette équipe gérée par cette dame m'a suivie pendant 15 jours à Roland-Garros, où moi je lui dis très naïvement, mais vous savez, chez UBS tout ça c'est terminé, moi je ne travaille plus du tout avec les banquiers suisses depuis que j'ai lancé l'alerte en interne, UBS a réécrit des procédures d'accès au bureau, où il est écrit noir sur blanc que les chargés d'affaires qui travaillent à l'étranger ne peuvent plus recevoir leurs clients à Paris ou dans les bureaux français. Tout va bien. Et on me dit, non, non, Madame Gibault, nous savons très bien que chez UBS, la fraude continue. Et je leur dis, qu'ils me disent, mais vous allez voir, à Roland-Garros, vous allez avoir des surprises. Et effectivement, à 3 reprises, j'en parle dans mon premier livre, que j'avais publié en 2014, La femme qui en savait vraiment trop, j'explique tout ce qui m'est arrivé à Roland-Garros, où effectivement, à 3 reprises, je me suis retrouvée face à des clients gérés par UBS à Genève, je me suis retrouvée nez à nez avec un collègue de Lausanne. Tout continuait. C'est-à-dire qu'en fait, on avait cru, nous, en interne, qu'avec ces alertes qui avaient été gérées, tout s'était arrêté. Et en fait, non. Leur mission à ces gens-là, c'était finalement de voir comment la fraude pouvait continuer sans que ça ne passe par mon métier. Il y a démarchage aussi. Il n'y a pas seulement fraude. C'est un démarchage proactif. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est justement le pourquoi je suis la pierre angulaire dans ce dossier. C'est-à-dire que si vous êtes français et que vous voulez faire de l'évasion fiscale et vous partez à Jersey, ils vont chercher Berlin, les clients. Là, le fait de venir sur le territoire français, c'est illégal, c'est illicite. Ça, c'est toute la partie qui a pris plusieurs mois. Que m'ont expliqué ces patrons de région, vous savez, les banquiers dont je vous parlais tout à l'heure, qui m'ont parlé de cette comptabilité parallèle, de la méritocratie qui est faite pour les gens naïfs et qui ne comprennent rien. Ils m'ont expliqué tout ça. Le problème, justement, c'est que ces banquiers suisses n'avaient absolument rien à faire ici. Mais quand vous extrayez de l'affaire, là, 10 ans après, vous ne pouvez pas imaginer une seule seconde que des centaines de banquiers suisses, parce qu'en France, on en a eu jusqu'à peu près 120, mais en Suisse, il y était 150, Genève, Lausanne, Zurich, Bâle, à avoir comme marché la France. Ça s'appelait d'ailleurs France Internationale, c'est pas un nouveau pays sur la stratosphère, hein, la France Internationale. C'était les équipes de chargés d'affaires de banquiers suisses qui étaient attribuées à la France. Mais il y en avait 150 pour l'Espagne, il y en avait 300 pour l'Allemagne, il y en avait X pour la Grèce, X pour la Belgique, X pour tous les pays du monde. Alors, à cette époque, votre affaire intéresse donc Bercy et commence aussi à intéresser certains journalistes. Alors, c'est l'affaire dans l'affaire. Vous voyez, c'est comme les poupées russes. C'est pour ça que c'est d'une complexité inouïe et que en 2012, quand je me fais expertiser par un neuropsychiatre puisqu'UBS est sur sa ligne depuis 2008, Stéphanie Gibault est une femme qui a inventé une histoire. Voilà, ils sont sur cette ligne-là depuis le début. Cette femme, c'est quelqu'un qui raconte n'importe quoi parce qu'elle veut nous extorquer beaucoup d'argent. Vous êtes folle. Voilà. Mais tous les lanceurs d'alerte, si vous lisez le livre, il leur arrive la même chose. C'est-à-dire, c'est le discrédit sur leur personne. En revanche, l'employeur ou l'ex-employeur ne va pas aller parler de l'alerte. On parle de l'alerteur, le lanceur d'alerte, de sa personnalité et de ses éventuels défauts. Et on en a tous, puisqu'on est juste des hommes et des femmes. Tout ça pour dire que donc, moi je me retrouve enfermée dans cette banque pendant 3 ans. 2011, ces équipes de Bercy arrivent. Et pendant plus d'un an, parce que je vais juste terminer là-dessus avant de répondre à votre histoire de médias, pendant plus d'un an, je suis obligée, à leur demande, d'aller à leur bureau, leur donner des informations, ou les aider à décrypter des informations, ou répondre à des questions très précises, alors que je suis cadre de la banque, et donc je leur donne des informations qui appartiennent à mon employeur, qui sont sur les serveurs d'UBS, et qui ne sont pas forcément dans mon périmètre professionnel. Donc aujourd'hui, 10 ans après, quand on me dit « Mais Madame Gibault, vous n'avez pas parlé de protection à ce moment-là » Mais c'est un peu comme l'inspection du travail. Moi, j'avais fait confiance à la direction d'UBS, j'ai fait confiance à l'inspection du travail, j'ai fait confiance au fait de porter plainte, donc j'ai fait confiance à Bercy. En tant que Française, citoyenne, normale et honnête. On reviendra en détail sur la loi Sapin 2, le statut de lanceur d'alerte, la protection qui ne vous est pas attribuée. On reviendra sur toutes ces questions-là, mais pour l'heure, donc, vous êtes en contact avec Bercy et bientôt avec la presse et votre affaire commence à faire du bruit. Alors, en fait, il y a quelqu'un dans la banque qui avait lui-même ses propres problèmes avec la hiérarchie, c'est Nicolas Forissier, l'auditeur interne, qui a écrit la préface de mon premier livre, La femme qui en savait vraiment trop. Et quand je rencontre ce monsieur, il m'explique que lui, il a trouvé des erreurs comptables qui, effectivement, correspondraient à une comptabilité parallèle expliquée très bien par les banquiers. Mais il n'a jamais entendu parler de mon métier, ce qui est quand même très surprenant. Effectivement, je n'ai jamais été auditée. Et je n'ai jamais été auditée jusque 2008, mon département l'a jamais été, et je n'ai jamais été auditée après les alertes que j'ai lancées. En tout cas, lui, il se fait virer d'UBS pour faute grave ou faute lourde. En tout cas, UBS dit que les erreurs qu'il a trouvées dans les rapports d'audit ne sont pas exactes. Et il a retrouvé immédiatement du travail dans une banque qui est dirigée par un ancien collaborateur d'UBS. Et il était en lien par des contacts qu'il avait à la DCRI de l'époque, hein, la DGSI aujourd'hui, avec un certain nombre de policiers auxquels il est allé raconter ce qu'il savait, en tout cas. Et un jour, il me dit, il faudrait impérativement que tu parles à quelqu'un qui s'appelle Antoine Payon. Mais moi, je lui dis, qui est-ce ? Qui est un journaliste d'investigation, c'est important, il va sortir un livre sur UBS. Mais moi, je lui dis, je ne veux pas parler aux médias. Je pense que j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire dans le cadre français. Moi, j'ai été une élue du personnel, j'ai défendu les élus, j'ai posé des questions. J'étais une cadre à qui on a demandé de détruire des données, je n'ai pas détruit de données parce que je ne voulais pas avoir une responsabilité pénale. J'ai suivi ce que m'a demandé le Code du travail. J'ai porté plainte contre la banque. Ces gens de Bercy sont venus me voir. Ça fait un an presque que je les aide. Les médias, je ne suis pas pour. Et Antoine Payon a commencé à m'appeler à plusieurs reprises en me disant que c'était très important. Et je me souviens avoir cédé et de l'avoir rencontré au métro devant la Banque de France, quand même, au métro Bourse. Ce qui est, on a l'impression qu'il n'y a pas de hasard dans ces histoires. Symbole, oui. Et qui m'a expliqué qu'en fait, c'était très important que je collabore à ce livre parce qu'il fallait impérativement que cette banque soit punie, etc., etc. Moi, j'étais comme un animal traqué. C'est-à-dire, on ne parle jamais de l'état psychologique des lanceurs d'alerte. Est-ce que ça fait une histoire comme celle-là ? C'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur d'une entreprise dont vous dénoncez une fraude. C'est un peu comme un viol. Vous vous sentez sale de cette histoire. Même moi, 10 ans après, je me pose la question de ce que m'a dit tout à l'heure, mais comment est-ce que j'ai fait pour ne rien voir ? Comment est-ce que j'ai fait pour ne rien comprendre ? Comment est-ce que j'ai pu être aussi, finalement, l'excellent, le bon petit soldat au service de la notoriété de cette marque, de cette banque, sans comprendre ? comment est-ce que j'ai pu faire confiance à la direction de la banque qui disait qu'on dépendait ici de la Banque de France et que tout était en règle. Donc moi, quand je rencontre Antoine Payon, je suis, d'ailleurs il a fait une attestation pour mon... quand j'ai traîné UBS au Prud'homme, où il dit que quand il m'a rencontré, j'étais dans un état psychologique excessivement fragile, que ça n'avait rien à entamer à ma lucidité, mais en tout cas que... Voilà, et c'est ce que tous les lanceurs d'alerte racontent, c'est-à-dire vous êtes, vous voyez, comme dans les dessins animés, face à un rouleau compresseur, et vous sortez, vous êtes une crêpe, c'est-à-dire vous n'êtes plus là pour être vivant. Nous, on est des survivants aujourd'hui, on ne devrait plus avoir la parole, justement. On aurait dû être éliminés, comme le sont, parce que vous vouliez parler des journalistes, certains journalistes d'investigation en Europe, c'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui que la liberté d'expression, elle n'est plus possible. Donc moi, je lui fais confiance aussi à ce monsieur Payon, que je connais ni d'Ève ni d'Adam, qui va sortir ce livre en... Les 600 milliards qui manquent à la France, c'est ça ? Voilà, qui sort un mois avant l'élection de François Hollande, et un mois après le discours Notre du Bourget. Notre adversaire, c'est la finance. Voilà, sauf que moi, je n'étais pas capable de comprendre, pareil, à l'époque, quand je vous disais le big picture, je n'étais pas capable de comprendre dans quoi ça rentrait, tout ça. Et moi, je suis licenciée à ce moment-là, c'est-à-dire juste avant l'élection de François Hollande en avril 2012. Et je me dis, alléluia, l'affaire maintenant est publique. Bercy travaille. Moi, ma vie va reprendre son cours. C'est-à-dire, je vais m'occuper de mes enfants qui commençaient à me voir depuis 3 ans de plus en plus, je ne sais pas si on peut dire délabré, mais enfin, quelqu'un qui tient plus debout, un petit peu comme une poupée de chiffon. Voilà, je vais m'occuper de mes enfants, je vais me poser et puis je vais repartir dans la vie professionnelle. J'ai 40 ans, je travaille depuis 20 ans. Moi, j'ai un métier qui n'était pas lié du tout à la finance. Avant, j'ai travaillé dans le football, avant, j'ai travaillé dans d'autres industries. Et puis, en fait, et ça, ça a été l'effet qui se coule puissance X, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à envoyer des CV, à partir de... l'automne 2012, l'hiver 2012-2013. Contrairement à ma carrière où je n'avais jamais été sans emploi, mais surtout sans réponse, vous écrivez à un cabinet de recrutement, vous avez une réponse, vous écrivez à une entreprise qui poste une annonce, vous avez une réponse. Et là, les annonces les unes après les autres, aucune réponse. Et au-delà de ça, votre appartement est visité, vos enfants, on vous retire la garde de vos enfants, j'ai cru comprendre. Ah mais c'est pire que ça. Hier soir, j'étais avec David Koubi, qui est mon avocat, puisque mon premier livre, La femme qui en savait vraiment trop, a été attaqué en diffamation. Donc David me défend entre autres sur ce sujet-là. Et on a fait une conférence face à des déontologues de banque. Et donc, j'expliquais toute mon histoire chez UBS. Et David a pris la parole après pour parler de manière juridique, donc de la loi Sapin, etc. Il est mieux placé que moi pour le faire. Et il disait, ce que vous raconte Stéphanie, c'est 2% de son histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a forcément une pudeur de raconter une espèce de descente aux enfers comme ça. C'est pour ça que maintenant, quand je vois des gens, je leur dis, quelque part, je suis une survivante. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est-à-dire que les pressions, moi, le premier avocat que je prends me dit, écoutez, faites attention quand vous prenez le métro, vous ne mettrez pas trop près. Et au début, je lui dis, mais comment ça, pas trop près? Oui, oui, au cas où on vous pousserait. Mais vous dites, mais vous êtes fou. Vous commencez à avoir des problèmes sur votre ordinateur, c'est-à-dire vos mails arrivent 25 fois. Ou ils arrivent, ils sont déjà ouverts. Ou alors, vous ne pouvez plus envoyer de mail ou en recevoir parce que tout est bloqué. Le téléphone portable, vous essayez d'appeler alors qu'il y a 3 ou 4 barrettes sur le... Ben, en fait, vous n'appelez pas. Moi, je ne pouvais même plus être... vous savez, tout bêtement, les enfants, quand ils sortent de l'école, ils vous envoient un texto pour vous dire « je suis rentrée à la maison, tout va bien ». Impossible de joindre les enfants. Et c'est des mécanismes qui... aide à devenir fou. Alors je mets ça entre guillemets, bien évidemment, mais qui sont mises en place, ce sont des techniques... Pour vous rendre complètement paranoïaque. Parce que ce qui m'est arrivé, et pourquoi j'ai voulu rencontrer depuis des années des lanceurs d'alerte, et pourquoi j'ai voulu le mettre par écrit, c'était pour montrer que j'étais pas un cas isolé. Effectivement, moi j'ai une histoire qui est très très violente, mais je ne suis pas la seule. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des mécanismes qui sont appliqués, des mécanismes de harcèlement caractérisés, qui sont appliqué. Moi, l'inspection du travail a d'ailleurs fait un procès-verbal où elle dit, pour Mme Gibault, c'est même pas du harcèlement, c'est de l'acharnement. Attendez, ce terme acharnement, c'est juste... Enfin, on a froid dans le dos, rien qu'à le dire, quoi. Donc, moi, à partir du moment où l'affaire vient publique, où il y a ce bouquin qui est quand même très bizarre, parce qu'on parle beaucoup quand même des services de renseignement dans le livre d'Antoine Payon, les 100 premières pages, je ne comprends pas vraiment où ça veut venir. Et puis, voilà, François Hollande est élu. Et moi, je me dis, on va passer enfin à une autre ère que l'ère Sarkozy, et puis qui nous avait dit à nous, les paradis fiscaux, c'est fini, on s'en souvient quand même bien. Tout ça dans le cadre de l'affaire Bettencourt, avec Madame Bettencourt qui avait des comptes chez UBS à Genève à hauteur de 80... des comptes chez UBS à Genève à hauteur de 80 millions d'euros non déclarés, pour laquelle Monsieur Woerth était a priori très concerné et qui s'en est sorti avec un non-lieu. Donc je me dis, avec François Hollande, on va passer à une ère différente. Et là, finalement, ça a été encore pire. C'est-à-dire que moi, je sors de la banque en 2012, après 3 ans et demi de harcèlement. Je prépare ces sessions au tribunal de prud'homme, puisque j'ai attaqué UBS, notamment sur le harcèlement que j'ai subi. Que voilà, j'ai gagné, il n'y a pas eu d'appel de la part d'UBS. Mais vraiment, encore très naïvement, je pensais que ma vie allait reprendre son cours. Et finalement, ce que j'ai vécu chez UBS, ce n'est que l'apéritif par rapport à la catastrophe que j'ai vécue depuis. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce premier livre en 2014, parce que j'étais un peu parano à me dire « il va m'arriver quelque chose ». Donc au moins que mes enfants aient une trace de l'histoire, de la vérité. Parce qu'il y a une vérité, c'est ce que dit aussi Julian Assange. Et puis s'exposer politiquement pour se protéger aussi. Voilà, et vous laissez une trace. Le livre, c'est ça, hein, c'est de la transmission. Vous laissez une trace de votre histoire. Et là, le deuxième livre que je viens de publier, donc avec la préface de Julian Assange, c'était ça l'intérêt, la vérité. Quand le Wikileaks produit des informations, est-ce que ces informations sont vraies ou fausses ? C'est ça qui est intéressant. Quand Françoise Nicolas, qui est au ministère des Affaires étrangères, qui découvre qu'il y a un problème comptable sur des budgets dont elle a la charge, comme remerciement, elle a une tentative de meurtre sur son lieu de travail. Cette femme, je l'ai vue hier soir, ça s'est passé il y a 10 ans, elle est obligatoirement traumatisée, mais elle pensait aussi, elle, que la justice allait la soutenir, allait la dédommager, allait l'aider. Et en fait, on se rend compte tous, les uns et les autres, ben que le problème n'est pas que nos ex-employeurs, le problème n'est pas que les cabinets de recrutement, il n'est pas que l'administration. Au milieu de toutes nos histoires, il y a la justice qui n'est pas capable finalement d'être éthique. La justice doit être juste par définition. Et comme le dit justement très bien mon avocat David Koubi, si vous et moi on a un problème quelconque et on se retrouve en justice pour une fuite d'eau par exemple, en tant que voisin, la justice est très bien réglée ça. Il y a effectivement quelqu'un qui est coupable et quelqu'un qui doit être dédommagé. Mais quand vous vous retrouvez face à des affaires aussi importantes, eh bien malheureusement, il y a une véritable problématique qui se retrouve dans les dossiers de tous et de chacun, en France, mais aussi à l'étranger, parce que je suis allée voir pas mal de lanceurs d'alerte dans les pays européens et aux États-Unis. Et en fait, tout ça, on l'a découvert petit à petit. Vous voyez, ce sont des claques qu'on s'est prises les unes après les autres pour faire que nos vies, finalement, ne sont plus des vies. Oui, un avocat qui vous dit « vous faites attention quand vous traversez la rue », vous dites pourquoi ? Au cas où il y aura un camion qui déboulerait, vous dites mais attendez, le mec est fou. Et qu'en fait, les autres subissent d'autres choses. Alors, des lettres qui arrivent à la maison. Moi, j'ai eu 3 mecs qui m'ont sauté dessus au coin de la rue à un moment donné. Des choses que vous recevez qui ne sont pas forcément très agréables. Moi, en tant que femme qui vivait seule avec mes enfants, notre chienne a été empoisonnée un soir dans l'appartement quand on est sorti. Ça, c'était après que je me sois retrouvée face à face avec Michel Sapin sur l'émission Cache Investigation d'Élise Lucet. Ben, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Enfin, empoisonner un animal dans un appartement sans effraction, vous imaginez le choc que ça a fait sur mes enfants. Et paradoxalement, vous faites récupérer 12 milliards d'euros à l'État français. Michel Sapin vous remercie. Vous avez, en février 2016, une série d'articles dans Le Monde sur le scandale UBS où vous êtes citée comme lanceuse d'alerte. Et ce qui est étonnant, c'est que votre témoignage contredit cette image qu'on aurait pu avoir d'être défendue à la fois par les médias et par le politique. Et ce qu'on apprend dans votre livre, c'est qu'en fait, le contrôle du lanceur d'alerte dans les pays occidentaux, où les droits de l'homme sont érigés en valeur suprême, se fait de façon beaucoup plus subtile, sournoise, contrôlée, perverse. Mmh. Est-ce que vous pouvez détailler vraiment ce processus, la façon dont on donne l'apparence que vous êtes protégé et remercié, et la façon dont vous êtes en réalité menacé? C'est d'une violence inouïe, parce que justement, c'est très sournois. C'est-à-dire que ce n'est pas une violence comme on pourrait l'imaginer dans des pays qui sont des dictatures, vous voyez. Michel Sapin, parce que vous voulez parler de lui, c'est en février 2016, où Bercy a communiqué sur le fait que ce dossier UBS, c'était 30 000 comptes offshore, qui représentaient, alors vous dites 12, je ne sais plus, c'est 12 ou 15 milliards d'euros, c'est-à-dire que c'est des sommes qui dépassent l'entendement, que personne ne comprend, que les gens de la rue ne comprennent pas. Donc ce qu'il faut essayer aujourd'hui pour que les gens aient une idée, c'est mettre les choses en perspective. Ce dossier UBS, donc ce serait 15 milliards, alors ce n'est pas 15 milliards d'impôts qui manquent ici, c'est 15 milliards de ces comptes offshore, donc ça représente, je ne sais pas, peut-être 3 ou 4 milliards en impôts. Mais le trou de la sécu dont on nous parle depuis 40 ans, c'est 4,4 milliards. Donc vous voyez, c'est 4 fois plus. Si on avait envie de régler les problèmes, on récupère l'argent, et puis voilà, donc c'est une façon de diriger des pays qui posent question. Mais qu'effectivement, Michel Sapin, qui prend la parole publiquement, parce que dans le cadre UBS, il y a aussi d'autres affaires, notamment les Luclix, avec Antoine Deltour et Raphaël Allais, les deux lanceurs d'alerte du dossier du cabinet PricewaterhouseCoopers, qui disent toutes les multinationales. Eux se sont vus attribuer le statut de lanceur d'alerte qui vous est refusé. Est-ce que vous pouvez Alors l'un des deux, uniquement Antoine Deltour, pas Raphaël Allais. Vous imaginez? D'accord. C'est parce que je crois, hein, je n'ai pas tous les jugements en tête. Je crois que Raphaël Allais n'a pas été considéré comme lanceur d'alerte parce que les éléments qu'il a apportés n'étaient pas suffisants ou n'étaient pas assez. Je ne sais quoi, il faudrait revoir ça. Mais donc, Antoine Deltour a été considéré comme lanceur d'alerte et en même temps, il ne l'était pas parce que qu'il ait donné des informations confidentielles. Des informations d'intérêt général de manière publique, c'est être lanceur d'alerte, mais le fait d'avoir soustrait ces informations à son employeur, ça ne l'était pas. Donc en fait, on est sur des trucs très, très, très subtils. Hein. C'est très compliqué. Donc, Monsieur Sapin, ministre des Finances, qui dit « Je vais passer une loi pour lutter contre la corruption avec un volet de protection des lanceurs d'alerte », quand on lui dit « Mais concrètement, pour Stéphanie Gibaud, qui a aidé votre administration, il montre son impuissance, en tout cas il est très gêné, et quand il est parti du plateau de Cache Investigation, ce que personne n'a pu voir, c'est qu'il a surtout essayé de m'éviter en partant en vitesse. Et Élise Lucet, elle est quand même top, parce qu'elle l'a rattrapé comme ça en lui disant « Attendez, elle va être obligée de quitter son appartement, si elle quitte son appartement, elle ne va plus voir ses enfants, enfin franchement, qu'est-ce que c'est que cette situation ?» Donc bref, il a fait en sorte que je sois reçue à Bercy 6 mois plus tard, et puis depuis, je reçois des courriers des hauts fonctionnaires autour du ministre des Finances, qui disent « Madame Gibaud, ça commence à bien faire. De toute façon, pour nous, vous n'êtes pas une lanceuse d'alerte, vous êtes un témoin que nous avons utilisé dans un dossier. » Donc on fait passer des lois, en faisant dire médiatiquement la France, qui n'avait pas de loi, a aujourd'hui une loi cadre extraordinaire. Donc ça, médiatiquement, c'est très bien, parce qu'on est le pays des droits de l'homme, qu'on est écouté à l'international. Donc par exemple, un pays comme l'Italie suit la mouvance et fait passer une loi. La Grèce, qui m'a contactée via le ministère de la Justice, voudrait faire passer une loi. L'Espagne y réfléchit, Monaco va le faire. On voit petit à petit les choses évoluent grâce à cette médiatisation. Mais sur le concret, ok, on a une loi de protection des lanceurs d'alerte. Les 50 personnes, ces hommes et ces femmes dans mon livre, qui ont tous été licenciés, qui ont tous été assassinés au sens figuré, qui sont dans des états psychologiques, familiaux, financiers, dramatiques, et bien étonnamment, ils ne rentrent pas dans le cadre de cette loi cadre, puisqu'elle n'est pas rétroactive. Mais les procès sont tous à venir. C'est une entourloupe, si vous voulez, absolument incroyable. Et alors, vous pouvez vous dire, je finis juste là-dessus, l'année dernière, il y a eu un cas très concret, donc après que la loi Sapin ait été votée, Elle date de décembre 2016. L'année dernière, au printemps, on a tous été stupéfaits d'apprendre de la part d'un chauffeur sous-traitant d'ArcelorMittal dans l'Est de la France, qui s'était filmé en déversant des produits toxiques dans la nature, bah que ce garçon, que ce monsieur, allait être considéré comme un lanceur d'alerte. Et bien aujourd'hui, un an après, il y a eu une cagnotte, comme il y a eu des cagnottes pour des lanceurs d'alerte, dont j'ai bénéficié aussi en 2016, suite à Cache Investigation notamment. Donc ce lanceur d'alerte, il est soutenu par des associations, il y a eu des cagnottes. C'est lui qui a une plainte en diffamation de la part d'ArcelorMittal. Mais est-ce que vous pensez qu'ArcelorMittal est poursuivi par la ville, la région, le département, voire l'État français ? Bien sûr que non. Donc les représailles, quand on dit aujourd'hui dans la loi Sapin, il n'y a plus de représailles, etc. Mais la représaille, c'est surtout de ne plus avoir d'emploi. Ne me dites pas qu'il n'y a pas un des ministères aujourd'hui qui aurait besoin de quelqu'un qui pourrait utiliser ses services. C'est une hypocrisie absolue. Et la violence est là, en fait. C'est qu'en fait, on montre médiatiquement que justement, on a fait des efforts en France pour protéger ces hommes et ces femmes qui ont tout perdu. Mais dans la réalité, est-ce que les lanceurs d'alerte sont employés ? Est-ce qu'ils sont employables ? Est-ce qu'ils sont embauchés ? Est-ce que les plaintes contre eux se sont arrêtées ? Est-ce que les élus de la République, les sénateurs, les députés, est-ce que les ministres sont à leur côté pour les embaucher ? Pour éviter justement qu'ils aient toutes ces problématiques. Mais bien sûr que non. C'est juste un écran de fumée. Il faut vraiment être très clair là-dessus. C'est de la communication. Et alors, j'aimerais aborder un aspect de votre parcours qui est aussi un aspect politique, puisque vous avez été candidate, il me semble, sous étiquette de Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan, aux dernières législatives. Et certains médias qui vous avaient, disons, soutenu jusque-là, qui vous avaient donné la parole, qui avaient enquêté dans votre sens, je pense par exemple à Mediapart, semblent vous avoir lâché. Alors, je ne suis pas encartée Debout la France, et deux, j'étais tête de liste au régional. Je ne me suis pas présentée pour les législatives. Mais ça me vaut énormément de critiques. C'est-à-dire qu'en gros, je vais vous résumer pour vous compreniez, Stéphanie Gibeau, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais le fait que je sois un soutien de Nicolas, parce qu'il a pris la parole publiquement, parce qu'il a écrit à François Hollande en tant que patron de parti pour dire « mais aidez cette femme, c'est juste pas possible », c'est le seul qui ait été à mes côtés, ça me crée, oui, une... je sais pas comment dire, une suspicion. En tout cas, ça a créé un froid avec un certain nombre de lanceurs d'alerte. Donc il est de bon ton quand même dans ce milieu qui est un peu en gestation de se dire de gauche en quelque sorte. Mais c'est là où c'est très surprenant et je préfère que ce soit vous qui le disiez que moi parce que j'ai essayé d'analyser la chose et qu'en fait c'est une espèce d'autre entre-soi avec des vrais lanceurs d'alerte. Des faux lanceurs d'alerte, c'est-à-dire qu'en fait, on a mis dans le même sac des tonnes de choses. Le terme est encore à définir, en vérité. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, aller dénoncer des choses qui vont pas, mais qui sont, je sais pas moi, enfin, où vous n'êtes pas lié directement en tant que collaborateur, c'est pas la même chose. Vous avez peut-être des représailles, etc., etc., mais vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas happé comme le sont les lanceurs d'alerte en entreprise. C'est-à-dire tous ceux qui, justement, sont allés dénoncer en interne, dénoncer auprès de leur hiérarchie, qui ont porté plainte, qui, en tant qu'élus honnêtes, ont essayé de défendre l'intérêt des collaborateurs, tous ces gens-là sont laminés. Par contre, il y a des tonnes de gens qu'on appelle lanceurs d'alerte, qui n'étaient pas collaborateurs, qui vont dénoncer des dysfonctionnements, effectivement, d'intérêt général, mais où ils ne sont pas concernés au premier chef. Et derrière, ça ne fait pas du tout les mêmes dérives sur la vie, c'est-à-dire que c'est des gens qui, effectivement, ont des petits problèmes, par exemple, c'est des chefs d'entreprise, ils vont avoir des contrôles fiscaux un peu plus souvent que d'autres, mais ça reste des vies normales. Toutes ces personnes, qu'elles soient en Italie, en Espagne, en France, que ce soit Julian Assange, etc., c'est des gens qu'on a sortis de la vie, quelque part, qui sont obligatoirement je ne sais pas comment l'exprimer, mais en tout cas, auxquels on donne des fausses excuses, soit pour ne plus parler d'eux, soit pour les discréditer. Alors, avec l'histoire de la présidentielle, du deuxième tour de la présidentielle l'année dernière, effectivement, moi, le fait que j'ai soutenu Nicolas Dupont-Aignan pendant le premier tour, puisque j'étais présidente de son comité de soutien, sans être encartée Debout la France, moi, j'ai toujours dit, et Nicolas y tient, à ce que je reste une personnalité indépendante à son mouvement, ça m'a créé toutes les turpitudes, toutes les turbulences possibles, en plus de tout ce que je vis et dont je vais vous parler là un peu dans ce dossier UBS. C'est-à-dire qu'il y a un véritable sectarisme. On est quelqu'un de bien parce qu'on est quelqu'un de gauche. Mais quand François Hollande a été élu, moi je me souviens très bien qu'Antoine Peillon, qui est le frère de Vincent Peillon, m'a dit « Mais écoute, on s'est occupé de Nicolas Forissier et donc l'auditeur interne de la banque. » En votant pour François Hollande, parce que là, franchement, je m'en souviens très bien, de toute façon, on s'occupera de toi après, et après, toi, tu vas retrouver une vie normale. Donc moi, je l'ai cru, très sincèrement. Est-ce que vous avez précisément, à ce moment-là, eu l'impression... d'être soutenu, mais bien sûr. Et a posteriori, d'avoir l'impression d'avoir été manipulé, que les informations que vous avez transmises aient servi à un but politique à un moment précis, et que ce soutien s'est retiré une fois que vous n'aviez plus d'utilité. Absolument. J'ai été utilisée, ça c'est évident, à des fins politiques. Alors il y a eu cette élection de François Hollande, mais ce dont on ne parle pas et qui a défrayé la chronique hier, je vous ai parlé de l'affaire Bettencourt, donc avec les comptes de Madame Bettencourt. Donc ça, ça concerne plutôt la présidence précédente, hein, de M. Sarkozy. Mais on se retrouve fin 2013 avec un ministre du budget qui s'appelle Jérôme Cahuzac, qui dit lutter contre la fraude fiscale. Tout le monde se souvient de cette image où il avait ce pupitre devant lui, où il donnait des conférences là-dessus. Et où Mediapart, vous venez de me parler de Mediapart, Fabrice Arfi chez Mediapart, sort un enregistrement et on comprend qu'il a des comptes offshore, donc des comptes bancaires non déclarés, chez UBS à Genève. Parce que souvent, il y a une décorrélation des deux. C'est-à-dire qu'on parle de l'affaire Cahuzac ou on parle d'UBS, mais on n'explique jamais que les comptes de ce ministre-là étaient là. Et qu'en fait, là, j'ai compris, c'est à ce moment-là, en 2014, parce que derrière, on a passé une loi de moralisation de la vie publique, c'est-à-dire qu'on amuse encore le peuple. On a eu l'affaire Thévenoud après, on a eu l'affaire des tonnes d'affaires. Nous sommes le pays des affaires. Regardez. L'affaire Guéant, l'affaire Tapie, l'affaire Lagarde, l'affaire Sarkozy, avec toutes... Mais on se demande quand même à géométrie où nous variable. Sommes. Toujours à géométrie variable. L'exemple doit venir du haut, non ? Enfin, moi, j'ai été élevée comme ça, en tout cas. Et on a l'impression que, justement, en étant comme on est, d'être très différent, de porter une différence. Alors, dans votre livre, vous racontez quand même des choses assez sidérantes sur l'absence de soutien et le mépris de l'État français par rapport à certains lanceurs d'alerte, alors que la France est quand même toujours en pointe pour donner des leçons de morale à d'autres pays sur le respect des droits de l'homme. Là, vous citez un courrier de François Hollande qui date de 2016, il me semble, où les noms des principaux lanceurs d'alerte, qui sont les plus connus, Snowden et Assange, sont mal orthographiés, alors que enfin, c'est une volonté manifeste ou au moins un acte manqué qui révèle le mépris absolu. Absolument. J'écris à l'Élysée, donc sous François Hollande, à plusieurs reprises, et notamment après que Julian Assange et aussi Edward Snowden, donc l'un qui est enfermé à l'ambassade d'Équateur à Londres depuis 7 ans, enfin, c'est la 7e année, donc le fondateur de Wikileaks, et l'autre, Edward Snowden, qui est donc ce citoyen américain qui travaillait pour la NSA et qui est en exil à Moscou depuis 2013, chacun a demandé l'asile à la France. Pourquoi ? Parce que la France, effectivement, est perçue à l'international comme étant le pays des droits de l'homme. Ce qui est une... une usurpation de... Voilà, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'avec le refus de l'Élysée, alors de l'Élysée, c'est certainement aussi du ministère de l'Intérieur, c'est de je ne sais qui, de refuser l'asile à ces deux hommes-là, ou dans un des courriers de l'Élysée, on me dit effectivement, c'est parce qu'il y a un mandat d'arrêt contre Julian Assange, mais ce n'est pas une réponse à la question. Ces hommes ont demandé l'asile à la France parce qu'ils étaient en grand danger. Ces hommes ont demandé l'asile à la France parce que c'est le pays des droits de l'homme. Et n'oubliez pas que leurs dénonciations, leurs déclarations, leurs informations ont montré que le gouvernement de François Hollande, mais aussi celui de Nicolas Sarkozy, était écouté par une puissance adverse, donc entre autres les États-Unis. Donc ça paraîtrait évident qu'on les accueille et qu'on les protège, parce que c'est pas qu'une question de les avoir ici, c'est aussi de les protéger comme ils le doivent. Le fait que l'Élysée réponde à 5 ou 10 reprises, je ne sais plus combien j'ai de courriers, par la négative, le fait que dans le courrier où sont cités leurs noms, il y a une faute au nom de Julian Assange, il y a une faute au nom d'Edward Snowden, vous pouvez vous dire que ce n'est pas un hasard. C'est qu'il y a un mépris, ou c'est un acte manqué, enfin on peut le dire comme on veut, mais ça prouve bien qu'il y a eux, alors eux, cette élite, cet entre-soi, et de l'autre côté le peuple, le vulgaire peuple, qui vient juste les chatouiller un petit peu, là où il ne faudrait certainement pas aller chercher de l'information. Parce que si tout ça perdure, vous voyez en France, là, il y a 2 secondes, on parlait de fait qu'on est le pays des affaires. Alors vous parlez de, on parle de détournement de fonds, d'enrichissement personnel, de comptabilité parallèle. Il y a un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire français, dans le langage français, qui existe dans tous les pays du monde, c'est le mot corruption. En France, c'est comme si il n'existait pas. Mais il faut bien croire et bien comprendre que tout ça, ce n'est que de la corruption organisée. Donc aujourd'hui, moi, le problème n'est pas le lancement d'alerte contre UBS, il est de lutter contre la corruption de nos élites qui se sont tous solidarisés. Essayez de retrouver des vidéos sur Google, sur YouTube, sur ce que vous voulez. Au moment où l'affaire Cahuzac est sortie, il y a eu des dizaines et des dizaines de parlementaires et de sénateurs qui ont été interviewés. Tous disent, mais enfin, c'est juste pas possible. Bien évidemment que M. Cahuzac est quelqu'un de bien et que jamais ce serait quelqu'un. Ils sont tous soutenus, M. Cahuzac. Alors qu'on pourrait dire, effectivement, il y a une présomption d'innocence en France, hein, et c'est peut-être aussi un des problèmes de notre justice, parce qu'on voit qu'aux États-Unis, justement, l'affaire UBS a pris 1 an. Parce que c'est une justice accusatoire et que UBS a été obligé de rétro-pédaler après être allé dire non, on n'a rien fait, après ils ont été obligés de s'excuser et de payer. Ici, on a une justice où c'est finalement la personne qui dénonce les faits qui est obligée de produire la vérité. Et que l'autre en face dit présomption d'innocence, donc pendant des années, les dossiers traînent. Mais tout ça, ça ne fait qu'aller dans le sens de la corruption organisée, la corruption galopante. Moi, c'est ce que j'ai découvert avec cette affaire UBS. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que depuis 1 an maintenant, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, on nous avait promis une révolution? Est-ce que votre cas personnel et celui des lanceurs d'alerte en général a changé? Est-ce que vous sentez une évolution? On entend parler d'une relance de la loi sur le secret des affaires, par exemple, peut-être un élément de réponse? Beaucoup de choses dans ce que vous dites. La première chose, c'est que M. Macron était ministre du budget, vous savez, après M. Cahuzac, justement. Et je lui avais écrit pour lui dire, M. Sapin n'a pas l'air de vraiment s'intéresser à mon dossier, peut-être que vous, ministre du budget, qui lancez votre mouvement En Marche, je l'avais écrit en avril 2016, vous allez être intéressé, ce serait peut-être intéressant, justement, de se rencontrer, de parler de la protection des lanceurs d'alerte, de parler des dérives de la finance, etc. Pas de réponse, c'est pas bien grave. Donc au mois de juin l'année dernière, au juillet l'année dernière, je lui ai écrit pour le féliciter de ce succès, de son élection, et je lui ai reparlé de l'asile de Edward Snowden. J'ai reçu 2 mois plus tard une réponse de l'Élysée aussi glaçante que celle que je recevais sous François Hollande. Nous avons bien reçu votre courrier que le président a lu avec beaucoup d'attention. Donc une continuité en la matière. Rien ne change. Rien ne change. Si les choses changeaient, je viens de vous parler de ce chauffeur ArcelorMittal. Si les choses changeaient, j'ai fait... Alors, grâce à la médiatisation que je n'ai pas voulu, parce que aussi, ça, c'est quelque chose de très différent, il y a des lanceurs d'alerte qui sont allés vers les médias et dont les histoires n'ont pas été publiées. Il y en a beaucoup dans mon livre qui l'expliquent très clairement, parce qu'ils n'ont pas le réseau, parce que les médias n'en veulent pas. Mais il y a d'autres lanceurs d'alerte qui, à l'inverse, ont envoyé des documents aux médias et ont été médiatisés. Mais depuis 1 an, je viens de vous parler de cette histoire d'ArcelorMittal. Si cette histoire ne parle pas à nos élus, à qui est-ce que ça pourrait parler ? C'est-à-dire que, en voyant comment la nature est détruite, c'est quand même notre patrimoine à tous. C'est ce qu'on laisse aux générations futures. Puis on est le pays de la COP21, quand même. Mais vous voyez que tout ça, ça n'a mais aucun sens. Si aucun d'entre eux n'agit, c'est bien qu'ils ont pour intention que rien ne bouge et que rien ne change. Comme je donnais conférence à droite à gauche, à l'OCDE, le 3 jours où je suis intervenue, j'avais invité 3 lanceurs d'alerte. L'un a lancé l'alerte dans un laboratoire bioéthique. J'en parle dans mon livre. Il est SDF depuis 2 ans. Il habitait Paris 12e depuis 20 ans. J'ai fait un appel à Anne Hidalgo sur RMC pour dire mais il faut loger ce garçon. Aucune réponse. On fait des appels à Virginie Rozière, l'eurodéputée, alors elle n'est pas PS, mais elle est près du groupe socialiste, pour dire mais arrêtez de nous dire que vous voulez passer des lois. Vous savez, on reconnaît un homme intègre et un homme d'honneur à ses actions. Ras-le-bol de vos blablateries. Maintenant, agissez. Est-ce que personnellement, vous, les députés, les sénateurs, les ministres, vous mettez de l'argent dans les cagnottes des lanceurs d'alerte? Est-ce que vous leur passez un petit coup de fil pour savoir comment ils vont? Est-ce que vous les invitez à passer le week-end chez vous? Est-ce que vous leur ouvrez leur maison de campagne? Mais bien évidemment non. Et ça, c'est des actions. De quoi a besoin un citoyen? Ben, il a besoin de retrouver sa dignité, notamment par le travail, parce qu'on a tous été licenciés, virés, et qu'on ne peut pas y retourner. Pour 99,99% des citoyens, le seul revenu, c'est le salaire. À partir du moment où vous enlevez le salaire aux gens, vous en leur enlevez leur dignité, vous leur enlevez leur vie. Donc après, vous leur enlevez forcément leur patrimoine, avec toutes ces procédures qui n'en terminent pas, avec des frais d'avocat complètement délirants. Ils sont séparés de leurs enfants, donc vous avez des familles en péril, des enfants en péril. Mais qu'est-ce que c'est que cette hypocrisie du pays des droits de l'homme, où on nous dit qu'il faut accueillir des millions de gens qui arrivent de pays où ils n'ont plus rien, alors qu'on ne s'occupe pas de nous, qui étions des cas concrets, et où aussi des 6 millions de gens qui vivent dans la précarité en France et qui sont au chômage, aux minima sociaux, etc. Il y a une véritable entourloupe qui est tellement choquante. Et QBS, c'est bien ce que je vous disais, c'est un épiphénomène dans l'histoire, puisqu'on s'est rendu compte avec les Panama Papers, les Football Leaks, les Malta Files, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre encore, les Paradise Papers, que toutes les banques étaient concernées. On l'a vu notamment avec la Société Générale, Banque Française Société Générale, en plus de HSBC et UBS. Donc, le constat est glaçant. Alors, j'ai une dernière question, Stéphanie Gibaud. Ne craignez-vous pas, en venant ici sur RFM, d'aggraver encore votre cas ? De mourir pour la liberté, c'est ça que vous me dites, comme Daphné Caruana ou comme d'autres qui sont assassinés. Écoutez, si c'est mon destin que vous voulez que je vous dise, moi je ne sais pas. Moi j'ai essayé... Enfin, c'est pas que j'ai essayé, je suis une citoyenne comme les autres. On m'a demandé de faire quelque chose qui était illégal, j'ai refusé de le faire. Je pensais tout bêtement que l'État français allait me soutenir. L'État français fait passer des lois, où on me dit, bah, finalement, vous rentrez pas dans le cadre, vous n'êtes pas lanceuse d'alerte, vous êtes quelqu'un qu'on a utilisé dans un dossier. Vous avez des journalistes ou des pseudo-journalistes qui disent, bon, je vais publier une histoire et qu'après, bah, du coup, on va vous aider, qui disparaissent aussi vite qu'ils sont revenus. Vous êtes avec des magiciens, vous voyez, des gens qui vous disent des choses. Et c'est comme c'est comme les enfants qui croient au Père Noël, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de croire tous ceux qui parlent. Il y a des gens qui agissent, des gens qui parlent. Voilà. Donc, craindre pour mon avenir, ma sécurité. Vous savez, j'ai eu un policier à la maison toute l'année 2016 qui m'a aidé à comprendre un certain nombre de choses, qui m'a aussi donné beaucoup d'informations parce qu'on voit bien qu'effectivement, quelqu'un comme moi, aujourd'hui, est un risque pour l'État français. Point. C'est pas mon honnêteté qui est en question. C'est l'information que je suis capable de donner. Parce que cette histoire qui a secoué ma vie, mais enfin, vous imaginez pas ce que c'est. Est-ce que je m'attendais jamais à une histoire comme celle-là ? Ce n'est que le fil qui tire, justement, cette connectivité, cet entre-soi des élites, qui fait que rien ne peut changer. Que ce soit la gauche ou la droite, ça ne peut pas changer, puisque ce sont les mêmes. Et on a bien vu, d'ailleurs, M. Macron qui dit « Je ne suis ni gauche ni droite ». et que tout le monde est allé vers M. Macron. Qui s'est opposé en disant de manière très intelligente « Moi, je ne veux pas de ce programme », c'est Nicolas Dupont-Aignan. Donc, effectivement, on me reproche aujourd'hui en disant que je serais devenue fasciste, raciste, antisémite. Mais quand on me connaît, c'est juste un mensonge et c'est juste, une fois plus, stigmatiser ma personne plutôt qu'aller voir ce que je dénonce, la souffrance de ces hommes et ces femmes qui sont lanceurs d'alerte, qui vivent la même chose que moi. Et il y a des gens de gauche dans l'histoire, pour le goût. Donc tout ça, c'est un mensonge organisé qui ne fait que s'auto-entretenir et qui est tellement verrouillé qu'en fait, malheureusement, nous, on a essuyé les plattes parce qu'on s'est pris le truc en face. Vous voyez, comme les Titanic hein, qui s'est pris l'iceberg. Et bien, en fait, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Sauf que nous, on n'a pas une règle du jeu, on n'a pas été formés à ça. Quand je vous dis je suis une survivante, oui, j'ai un peu l'impression de sortir d'un camp, parce que on ne peut pas vivre. Les psys que j'ai rencontrés le disent tous, ou les gens que je rencontre dans les soirées, je l'ai encore vu hier, disent, mais Madame Gibault, effectivement, si on avait été à votre place, qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce qu'on les aurait détruites, ces données, avec ces noms de clients? Est-ce qu'on aurait obtempéré? Et vous aviez aussi l'option de démissionner, de fuir le problème. Oui, sauf que j'y ai pas pensé, c'est vrai, mais sauf que voilà, moi j'avais mon travail, je pensais que juste c'était un petit problème et que le fait de le dire à la direction, ça allait remettre les choses dans l'ordre. Parce que souvent, et justement il y a des confusions là-dessus, le lanceur d'alerte c'est quelqu'un qui aime son entreprise. Souvent c'est justement quelqu'un d'ultra professionnel et passionné par son métier. Il voit un truc qui va pas, mais il va le dire au patron, en disant ça va se régler et puis la vie va continuer. Moi, je ne me serais jamais imaginé, et c'est toute la problématique de mon histoire, qu'en fait, bien évidemment, tout ça était un système orchestré, un système organisé d'évasion fiscale à l'international. L'affaire UBS, vous dites aux États-Unis, a été réglée en un an. Expliquez-moi comment ça se fait qu'ici, ça dure depuis 10 ans. Le procès aura lieu cet hiver parce qu'UBS n'a pas voulu... HSBC a négocié une amende de 300 millions d'euros, ce qui paraît beaucoup, mais qui n'est rien. UBS, l'amende, est fixée par l'État français à 1,1 milliard. C'est-à-dire le montant de la caution. UBS a répondu, mais attendez, on veut payer ce qui est au prix du marché. Prix du marché, en Allemagne, on a payé 300 millions d'euros, ici on veut payer la même chose. Et la justice française ne s'est pas laissée faire, pour le coup. Et donc UBS partira au procès en disant, nous avons confiance en la justice de notre pays. Et les avocats m'ont bien expliqué, c'est-à-dire qu'après ce procès, il y aura un appel dans 3 ans, et puis après, il y aura une cassation, et il y en a pour 10 ans. Donc en fait, dans 10 ans, on va juger des faits qui auront eu lieu au début des années 2000. Alors pour conclure, quel conseil vous donneriez aux lanceurs d'alerte en puissance, à des gens qui peut-être actuellement nous écoutent, sont sur leur lieu de travail, ont des informations à donner, et qui voudraient se lancer? Quel conseil vous leur donneriez? Qu'en aucun cas, il n'y ait un lien entre l'alerte et eux. Et ça, c'est ce que j'avais dit, notamment lors de mes auditions à l'Assemblée nationale, à Sébastien Denagin et la députée PS de Paris, Sandrine Mastier. L'alerte doit être externe. Parce que si... Donc de rester des sources anonymes, en clair. Mais voilà, parce que quand on de vous dit... De contacter chez des documents, encore plus clair. Voilà. Ne me dites pas qu'en entreprise, quand vous lancez une alerte sur un système interne, l'entreprise ne sait pas qui vous êtes, avec votre carte d'accès, avec votre adresse IP, avec ce que vous voulez. Ou si c'est un bureau, il y a forcément des caméras dans le bureau. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces hommes et ces femmes, ils avaient un métier. Ils étaient quelqu'un dans la société. Aujourd'hui, avant tout, ils sont lanceurs d'alerte. Donc, vous nous dites que le statut de lanceur d'alerte est en réalité un piège. Ben, pour l'instant, on n'a pas la preuve du contraire. Moi, j'aimerais bien que vous me la meniez, qu'il y ait un lanceur d'alerte heureux qui nous dise, ben voilà, moi, j'ai lancé l'alerte en entreprise. Regardez, j'ai été remercié par l'État, j'ai été remercié par la justice. Mon entreprise a changé tous ses dysfonctionnements. Tout va bien. Donc, mais vous nous dites, faites sortir la vérité, mais restez anonyme et soyez prudent. Voilà, il y a des tonnes de façon de sortir de l'information, notamment grâce à ces journalistes d'investigation qui travaillent en France et à l'étranger. On a parlé de Wikileaks tout à l'heure. Ce sont des vraies plateformes qui, eux, et on voit bien à quel point c'est en risque quand on voit la situation de Julian Assange. Ce qu'on n'a pas dit, ce qui est peut-être important de finir là-dessus, c'est qu'il y a des experts de l'ONU qui ont écrit un rapport en 2016 disant qu'il était retenu de manière arbitraire, de manière illégale, qu'il devait immédiatement être libéré et qu'il devait être indemnisé par rapport à ce préjudice. Comment est-ce que vous expliquez que Londres n'obéisse pas, n'obtempère pas aux décisions de l'ONU ? Comment se fait-il que les pays... Enfin, vous voyez, c'est juste ces questions-là, c'est-à-dire qu'on est en train de parler, là, de protection des citoyens face à la protection de l'information. L'information, on parlait du secret des affaires tout à l'heure, l'information est mieux protégée que les citoyens, tout a été fait pour les protéger. Le secret bancaire a été fait pour ça, il n'a pas été fait pour protéger l'argent des pauvres. Il faut quand même être très clair, à un moment donné, se poser la question de quoi ça sert, ce secret des affaires. Je l'ai dit, j'ai été interviewée sur RT France il y a quelques mois, j'ai dit, mais au moment où on a reparlé ça, je dis, mais attendez, c'est pas là pour protéger les artisans et les commerçants et les PME, c'est là pour protéger les multinationales et les banques qui sont déjà armées de cabinets d'avocats qui travaillent sur la planète 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui sont les plus riches, les plus puissantes, qui sont partout. Et qui, déjà, rentrer dans n'importe quelle multinationale, on vous fait signer un accord de confidentialité immédiatement au moment de votre recrutement, qui vous dit que vous n'avez à communiquer aucune information. Donc, on met des lois derrière pour verrouiller encore plus ce qui est. Et je crois qu'au Sénat, où la loi est passée la semaine dernière, il a été aussi décidé de verrouiller encore plus et de dire que ces lanceurs d'alerte ou ces journalistes ou ces ONG ou ces syndicats qui sortiront des informations seront en plus poursuivis pour espionnage industriel. Mais ça, c'est exactement ce qui se passe en Suisse, où les lois sont les pires pour les lanceurs d'alerte. Il y a 3 témoignages de citoyens suisses dans mon livre. L'un a fait de la prison, le deuxième a fait de la prison, et la troisième, c'est quelqu'un qui donne des dysfonctionnements sur Nestlé. Chacun des auditeurs qui nous écoutent est client de Nestlé. Nestlé, qui dans les années 2000 a eu des problèmes ici en Europe avec des petits biscuits pour bébés qui étouffaient les bébés. Ce qu'elle explique, cette ex-directeur qualité, c'est qu'elle n'a pas voulu mettre sur le marché des laits pour bébés. Et on sait aujourd'hui que ça a créé des empoisonnements par centaines en Inde et en Chine, et qu'en Chine, des bébés en sont morts. Mais attendez, toute la planète devrait boycotter Nestlé. Mais Nestlé continue à être coté aux États-Unis, à Wall Street. Alors que quand on est coté à Wall Street, c'est pas qu'une question de résultats financiers, c'est aussi une question de pratique éthique dans l'entreprise. En théorie. Non mais voilà. Donc aujourd'hui, qui a une légitimité de parler d'éthique ? Est-ce que ce sont les banques ? Est-ce que ce sont nos hommes politiques ? Est-ce que c'est le... Voilà. Vous voyez bien que l'avantage de nos histoires, parce qu'il faut être positif et il faut construire là-dessus, puisqu'on n'en est pas mort, justement, c'était votre question, est-ce que je crains à ma vie ? Mais écoutez, si demain je ne suis plus là, au moins je l'aurais dit aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a d'autres solutions qui sont possibles et que tout passe par justement l'éthique. Quand on se pose posez-vous la question en entreprise, quand on vous demande de faire quelque chose, est-ce que ça a du sens ? Votre chef arrive et vous dit, tiens, envoie tel rapport, appelle telle personne, etc. Essayez de prendre le prisme large. À quoi je sers ? À quoi ça sert ? Quels intérêts est-ce que je sers avec le métier que je fais. C'est-à-dire qu'on est là aujourd'hui à un changement de société, certains disent un changement de paradigme, où on est à la recherche de sens. J'étais avec quelqu'un de San Francisco au téléphone cette semaine, qui me disait, dans le milieu des high-tech à San Francisco, toute la génération des 25-30 ans, ils ne parlent plus que d'argent quand ils signent un contrat de travail. Ils demandent à l'entreprise de se positionner au niveau sociétal, de dire qu'est-ce que vous faites à côté de ça pour la planète. C'est-à-dire le fric pour le fric, c'est fini, mais vous voyez que c'est la génération du dessous qui est en train de prendre le ballon que nous on a lancé, parce que mine de rien c'est un vrai pavé dans la mare. Hein. Moi j'étais loin il y a 10 ans, si vous m'aviez rencontré, de vous raconter ce que je vous raconte aujourd'hui. Ce sont des chocs absolument incroyables. Ma mère qui était une élue locale, vous savez comme il y a des tonnes d'élus dans tous les petits villages, qui passait son temps au bureau d'aide sociale, aux réunions, etc. Le jour où on a été obligé de quitter mon appartement, donc avec les enfants, elle en a fait un AVC. Vous imaginez, je l'ai su que 3 mois après. Quand elle m'a vue à l'été dernier, ben elle a été réhospitalisée, elle en a fait un autre. C'est-à-dire que ça, cette recherche de sens, c'est parce que toutes les actions qu'on mène, nous, les gens honnêtes, les citoyens normaux, Ça a du sens. Ma mère a été élue en disant, bah oui, j'ai été élue, donc je défends, je fais des mariages le samedi après-midi, mais ça me donne aussi du sens d'aider les gens qui ont le moins, etc. Qu'une vraie cohérence, qu'il y ait du lien entre les gens. Et là, on se rend compte aujourd'hui dans l'entreprise, à cause de toutes ces histoires, que le monde de l'entreprise est ultra violent parce qu'il n'y a plus de lien entre les gens, ils ne se parlent plus, mais comme ils ne se parlent pas dans le métro, comme ils ne se parlent pas dans la rue, il n'y a plus de cohésion et qu'en fait, il n'y a pas d'autre choix que se rassembler. On parlait de politique tout à l'heure, mais vous voyez bien que nos élites, quel que soit leur sexe, leur religion, leur âge, leur tendance politique, ils sont quand même tous très unis quand il y a un problème. Je vous parlais de M. Cahuzac tout à l'heure, regardez les vidéos, les interviews à l'Assemblée nationale à ce moment-là, tout le monde était très solidaire de monsieur Cahuzac. Il n'y a pas personne qui ait dit « oui, je crois très, très sincèrement ce que dit le journaliste ». La preuve, c'est qu'il y a même des journalistes qui sont allés critiquer ce journaliste-là. Debout, je ne sais pas quoi dire, debout tous face à cette plutocratie qui a emporté les économies de nos États, qui a emporté la vie de la classe moyenne. Et il n'y a qu'en nous rassemblant, qu'en nous fédérant, que nous allons pouvoir défendre nos intérêts de citoyens. Stéphanie Gibaud, La traque des lanceurs d'alerte, préface de Julien Assange aux éditions Max Milo, 19,90€ pour 300 pages. Stéphanie Gibaud, merci beaucoup. Merci de m'avoir laissé la parole. Ah, c'était un entretien vraiment passionnant. J'espère qu'on vous aura à nouveau sur RFM bientôt. Écoutez, peut-être, avec plaisir. La grande actu pour moi, là, c'est que ce livre va être traduit en anglais. Ah. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que vous le savez, l'anglais, c'est la langue internationale et c'est aussi la langue de tous les journalistes à l'international. Et que le fait de pouvoir parler notamment du cas Assange, parce qu'il y aura une petite mise à jour suite à son actualité depuis le début de l'année, le fait de pouvoir parler de tous ces lanceurs d'alerte français à l'étranger, justement, ça va donner une autre perception à ceux qui pensent que nous sommes le pays des droits de l'homme, de voir ce qui nous arrive à nous ici en France. Bon courage à vous, en tout cas, pour votre combat. Et sachez que vous serez toujours la bienvenue ici, en tout cas. Merci. Et justement, comment on peut s'en sortir ? Ben, c'est grâce à tous ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire, justement, recréer du lien, de la solidarité les uns avec les autres. Chers auditeurs, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Siren, son album Iter Animae, disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Météorite. Bonne écoute à tous et à très bientôt.